Adesso sì. Les sanglots, des vieux lents de l'automne, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Les sanglots, des vieux lents de l'automne, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, qu'un seul large je me souviens des jours anciens et je pleure. Tout suffocant et blême, qu'un seul large je me souviens des jours anciens et je pleure. Des sanglots, des violons de l'automne, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Des sanglots, des violons de l'automne, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la fée morte. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la fée morte. Les sanglots, des violons de l'automne, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Les sanglots, des violons de l'automne, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, qu'un seul large me souvient des jours anciens et je pleure. Tout suffocant et blême, qu'un seul large me souvient des jours anciens et je pleure. Les sanglots, les violons de l'automne, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Les sanglots, les violons de l'automne, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Et j'y m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la fée morte. Et j'y m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la fée morte. Les sanglots, des violons de l'automne, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Les sanglots, des violons de l'automne, blessent mon cœur d'une langueur monotone.